Joyeux Noël! Avec Fagette et le Gélissa. Joyeux Noël! Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Fagette 94.2 et Fagette.net pour un moment spécial de l'année. En effet, nous sommes le 24 décembre et il est 21h et c'est le moment où le groupe solidaire actif de l'association Arelia vous propose de démarrer ses programmes spéciaux de Noël ensemble. Comme chaque année, ce soir nous allons passer la veillée de Noël ensemble. Alors si vous êtes seul ce soir, ou à l'hôpital, ou sur la route, ou au travail, ou privé de liberté, ou tout simplement parce que ce soir-là vous préférez fuir la foule, alors ce programme est pour vous, et nous le passerons tous ensemble. Noël est un moment particulier parce qu'il nous rappelle de bons et de moins bons moments. Notre émission vous permettra d'écouter des Christmas songs que nous commençons déjà à entendre avec Chris de Burgh, et cette année, toutes les chansons seront en live. Vous allez donc pouvoir écouter le plus grand concert live au monde. C'est notre petit cadeau de Noël pour vous, les fidèles auditeurs de Fagette. Et puis, vous pourrez écouter aussi les anecdotes, les témoignages que nous avons recueillis tout au long de ces dernières semaines. Une pensée particulière à tous les enfants du monde, victimes de guerre, de famine, qui se retrouvent sur des embarcations de fortune, au péril de leur vie, ou victimes du froid dans leur périple pour accueillir ce qui est le plus essentiel à nos yeux, c'est-à-dire la liberté. Merci à Françoise, à Radija, à Alain, à Bertrand, à Yannick et le petit Amine d'être avec moi ce soir, et nous l'espérons. Nous passerons une jolie veillée de Noël tous ensemble. Thank you. I feel the wind blowing through my doorway. It's telling me that the summer's gone and the winter waits in shadow, waiting with the storm. I am old and my bones are weary, and my son, he is all I have. But he has gone to fight for freedom, leaving with my heart. All my life I have loved this land, worked it with my hands, but can this freedom send the rain when seed is in the ground? Can this freedom heal the pain and bring my boy back to me again? Whoa. Cause he was lost in some dark forest, and snow was falling down, falling on the ground. Whoa. Noël à tous sur Radio Fadjet. Un message de Geneviève, la magie de Noël, c'est d'abord et avant tout cette tradition de rendre heureux les gens autour de soi, ne serait-ce que par un sourire, un joyeux Noël sincère, une main tendue, tout le monde cherche à être heureux en famille ou seul ce jour-là. Et ceux qui sont fâchés essayent de faire la paix. Le 25 décembre 1914, en pleine guerre mondiale, les soldats ont même arrêté de se battre pour célébrer Noël ensemble. La magie de Noël, c'est vouloir faire plaisir aux autres, aux enfants, aux grands et à ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'argent. Certaines personnes donnent des sous aux personnes pauvres et peut-être que toi aussi tu offres tes cadeaux plutôt que d'aller le revendre sur Internet. Alors, ce n'est pas toi qui l'as acheté, parce que ce qui rend Noël merveilleux, c'est de mettre de la joie autour de soi, le joyeux Noël à tous. Et voici sans doute la chanson de Noël la plus célèbre et la plus connue dans le monde. C'est Mariah Carey et son All I Want For Christmas Is You, mais en live. Underneath the toute l'équipe de Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. Un message de Marc en Moselle. Pour moi, et depuis 10 ans, je suis devenu le Père Noël. Et oui, chaque année, le 25, avec ma belle tenue de Père Noël, qu'une association m'a confectionnée, je parcours la journée, une ville près de chez moi, avec ma petite remorque, pour distribuer aux gens qui sont à la rue un petit cadeau et proposer un café chaud préparé dans 4 thermos. Ce ne sont souvent que des petits cadeaux que je récupère à droite ou à gauche ou à Emmaüs durant l'année. Mais je vous assure que cela fait plaisir à tout le monde et à moi aussi. Je croise ainsi, chaque année, une bonne vingtaine de personnes et je trouve lamentable d'ailleurs qu'elles puissent être encore à la rue ou presque, en tout cas sans un vrai logement. Il m'arrive même de prévenir des associations caritatives, le 26, pour trouver une solution où mieux les aider. Si ma petite action modeste peut donner un peu de joie et de chaleur humaine à des gens si malmenés par la vie, alors c'est toujours cela. Joyeux Noël! Don Henley, vous connaissez, c'est le chanteur du mythique groupe Les Eagles. Eh bien, lui aussi a fait quelques titres en solo autour du thème de l'hiver et de la période des fêtes. Nous allons le retrouver pour deux chansons. La première s'appelle Talking to the Moon et la seconde, My Talking Your Home. When the hot September sun down in Texas sucked the streams bone dry and turned the roads to dust. In the sleepy little towns down in Texas, the shades are all pulled down, the streets are all rolled up. Trucks are passing by late at night on the front porch swing. You can hear a mournful sigh. And the lonesome whippoorwill cries to the stars above. He was calling out for his lady love. She's been gone so long. And I was just talking to the moon, hoping someday soon that I'd be over. And the wind across the plains is all that now remains. You know the night shakes loose the names, but they never quite go back the way they. So goodbye, rodeo. It's a long, funny way for a man to go. And never change. And never change at all. Too high.

Joyeux Noël sur Fadjet. Un message de Catherine. Je vis seule avec mon mari depuis 15 ans. Mais Noël est pour moi une fête incontournable, liée à mon enfance et à notre famille. Après avoir passé quelques Noëls tout seul, nous allons maintenant, chaque année, donner un coup de main à la maison de retraite près de chez moi pour préparer les fêtes et pour les personnes âgées. Je suis allé voir la directrice de cet établissement pour lui expliquer mon souhait de donner un coup de main pour ces deux journées. Elles sont acceptées avec toute l'équipe de la maison de retraite. Nous avons toujours plein d'idées pour rendre belles ces fêtes. C'est fatigant car nous avons toujours beaucoup de travail. Nous sommes devenus comme des petites familles. Noël est vraiment magique. Joyeux Noël à tous et à bientôt. Retrouvons un classique des Christmas Songs, Elvis Presley et son Blue Christmas. Vous êtes sur Fadjet 94.2 dans l'émission La Veillée de Noël. Excellente soirée de Noël sur Fadjet. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with them. And the windows, snowflakes start falling. Memories start calling. Play it dirty. You'll be doing all right with your grandmother white. But I'll have a blue Christmas. I'll have a blue Christmas. That's certain. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Un message de Philippe. J'ai 68 ans et je suis veuf et je n'ai pas d'enfant. Mais depuis que je suis veuf, je ne conçois plus de faire Noël seul parce que ma femme et moi avions toujours des bonnes idées pour Noël. Chaque année, maintenant, je transforme mon garage en salle des fêtes de Noël et les semaines précédentes, je me promène dans la rue où je contacte des associations pour inviter une dizaine de personnes seules à fêter Noël ensemble. Ancien cuisinier, je vous assure que nous passons chaque année un jour de Noël chaleureux et fraternel. Et puis, nous gardons le contact pour nous entraider lorsque quelqu'un a besoin d'aide ou d'un coup de main tout au long de l'année. C'est ça la magie de Noël. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Autour des Eagles à présent de nous rejoindre pour leur titre « Please come home for Christmas ». Vous êtes bien à la veillée de Noël sur Fadjet. Ce n'est que du live. Bells will be ringing. Sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. gone. I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing. For Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations sing salutations. Sure as the stars shine above. This is Christmas, yes, Christmas, my dear. It's a time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year. There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again. Play down. Ho, ho, ho, ho. Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. Louise, la banquise, 6 ans. Moi, j'aime Noël, mais on a trop de cadeaux alors que certaines copines d'école n'en ont pas. Loïc, 4 ans. Pour moi, la magie de Noël, c'est l'amour, mais j'ai vu un film de Noël où un enfant a menti à ses amis, c'est pas bien. Idriss, 7 ans. Dans ma famille, à Noël, on fait un sapin. Toutes mes sœurs, mes frères et moi avons un cadeau du Père Noël. Ma maman prépare un grand repas et pourtant on est musulmans. C'est bien Noël. Il faut savoir que les Christmas Songs aux États-Unis parlent de sujets qui vont au-delà des mots de Noël ou des reprises de standards religieux réarrangés. Comme depuis la Thanksgiving du 4e dimanche de novembre, qui est une fête laïque, jour férié, fête aujourd'hui la fête des préparatifs de Noël et l'achat des cadeaux. C'est la période de la solidarité, de l'amitié, du travail accompli, du repos bien mérité. Alors les chansons de cette période évoquent l'amour, le retour à la maison, et souvent les siens, sa famille, l'hiver ou la fin d'un dur labeur, les vacances, car c'est aussi une période de vacances aux États-Unis, et la neige, évidemment. En voilà un exemple avec Chris Rea et l'incontournable Driving Home for Christmas. Chris, you are ready? So we go. I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. Driving home for Christmas, yeah. See me moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car for Christmas. I'm driving home for Christmas. Gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights all around. Yeah, I'm driving home for Christmas, yeah. Yeah, my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, driving in my car for Christmas. Driving home for Christmas. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Un message de Patricia. Noël, pour moi, reste ce beau moment de l'enfance et d'amour où même modestes, nous étions en famille pour fêter ce jour magique et attendre le passage du Père Noël pour recevoir au petit matin notre jouet. Alors pour moi, il n'est pas question d'oublier cette fête. Je ne suis pas riche, mais je tiens à ce que cette tradition familiale perdure. Cette année, j'invite ma famille et nous sommes une dizaine d'adultes et d'enfants à partager ce beau moment. Notre manière économique de faire Noël est que chacun ramène un ou deux ingrédients pour cuisiner ensemble le soir du réveillon, selon ce que chacun a apporté et dans un budget de 7 euros par personne. C'est déjà un beau cadeau que nous pouvons partager le soir même et le jour de Noël, et je vous assure que nous ne manquons pas d'idées et que nous sommes rassasiés. Quant aux cadeaux, nous nous fixons un budget de 7 euros par personne. Certains qui ont l'esprit créatif les réalisent eux-mêmes, albums photos ou objets ou souvenirs fabriqués ou transformés, ou font en novembre et décembre les bourses aux jouets et trouvent toujours de chouettes surprises. Et puis on chante, on danse, on rit, on fait des jeux et on dort façon camping, mais c'est tellement bon. Je vous assure que ces deux jours de Noël nous ressoudent pour toute l'année. Et je pense que la magie de Noël existe vraiment si on s'en donne un peu la peine. Je vous souhaite un beau et joyeux Noël à vous tous. Un autre standard de Noël, c'est Paul McCartney de l'époque Wings et son Wonderful Christmas Time. Paul, c'est à toi et en live. Joyeux Noël à tous. Up, we're here tonight, and that's enough. joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Un message de Stéphanie pour mes frères et mon père et moi. Voilà bien longtemps que Noël ne rime plus avec le sapin, le froid et la dinde au marron. Après la mort de notre maman en 97, plus question de fêter Noël à la maison. Pour réchauffer nos cœurs, notre père nous emmène au soleil. Et c'est resté une tradition. Nous avons fêté Noël en Guadeloupe, aux îles Canaries, en Martinique, en Égypte, au Maroc, au Sénégal, en République Dominicaine. Les Noëls sont les tropiques se succèdent et nous adorons nous retrouver ainsi. Sauf une fois, en 2010, nous avons fêté Noël en France, chez mon papa. Eh bien, vous savez quoi? J'ai attrapé la grippe. Joyeux Noël à tous! Bonjour, je souhaite un joyeux Noël à tous les autres qui sont incarcérés. Joyeux Noël! Clarisse, 4 ans. La magie de Noël, c'est trop bien. Le 25 décembre, on a les cadeaux. Chloé, 8 ans. Bonjour, je voudrais savoir, au final, Noël, ça sert à quoi? Maxime, 5 ans. Pour moi, Noël, c'est la gentillesse, c'est l'amour de famille ou fête de Noël. Les enfants attendent des cadeaux de Père Noël. Et tous les gens mangent les plats délicieux. Il y a beaucoup de légendes et d'histoires de Noël. C'est ça la magie de Noël. Et maintenant, retrouvons Peter Frampton, Sheryl Crow et Aldi Black pour cet hommage à John Lennon dans son Happy Christmas, The War Is Over, est toujours en live. And so this is Christmas. What have you done? Another year over. And a new one's just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. So this is Christmas. Christmas. Même le rock pur et dur chante Noël. Alors là, ça va dépoter. Prévenez mamie, vous êtes prêts ? Voilà le groupe Slade qui arrive en trombe avec son Merry Christmas Everybody. Prévenez les voisins et hop, à fond le son. Ça chauffe sur Fadjet et mieux que la cheminée. Guys, we go. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. De Christine. Je suis maîtresse avec des enfants en CM1 et samedi dernier. C'était kermesse et marché de Noël à l'école. Les ventes devaient nous permettre de financer certains projets. Mes 24 CM1 ont passé 25 heures à fabriquer des magnets écolo, incluant recherche du matériau, peinture, collage de l'aimant. Prix de vente 2 euros l'unité. À la fin de la journée, on en a vendu 3. Les enfants étaient bien sûr très déçus du résultat, mais la directrice a décidé de partager tous les bénéfices récoltés entre les différentes classes et l'argent de la buvette et des gâteaux en partage égal par la classe. Du coup, nous allons pouvoir réaliser nos projets. Un enfant de ma classe m'a dit « Vous voyez, maîtresse, il faut croire à la magie de Noël. Ho, ho, ho !» Et maintenant, à Baudouo Live. Normal, c'est Noël. On retrouve Michael Bublé et Rod Stewart dans un classique de Noël, Winter Wonderland. Sleigh bells ring, I am listening. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, we'll pretend it is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job while you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Ah yeah, winter wonderland. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, until the other kids knock him down. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. We're walking in a winter wonderland. Wonderland. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! Un message de Philippe. Aujourd'hui, je me suis baladé entre les petits chalets du marché de Noël au centre-ville de Rouen, avec fouille à l'entrée, ce qui est plutôt rassurant, mais à l'intérieur, qu'elle ne fouille pas ma surprise de voir un petit chalet proposant, qui propose à la vente des couteaux de toutes les tailles. C'est du grand n'importe quoi. Un autre duo maintenant avec Elton John et Ed Sheeran en live dans cette chanson Merry Christmas, sortie en album l'an dernier et très entendue sur toutes les radios cette année. Messieurs, c'est à vous. Build a fire and gather around the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. You could see it through my eyes, then you would know. De Michel, éducateur dans un foyer pour enfants. Ce matin, la femme de ménage a voulu bien faire en nettoyant le groupe et en rangeant les calendriers de l'avant sur le radiateur. Vous imaginez le résultat, tout a fondu. Les enfants n'ont pas manqué d'humour en disant « Ah, c'est pas grave Michel, on va faire un bon chocolat chaud avec ce qu'on pourra récupérer. » Et du coup, on mangera nos chocolats avant le 25. Pas bête. Et on retrouve maintenant la belle Kelly Clarkson qui va vous interpréter un standard des Christmas songs Underneath the Tree. I'm toute l'équipe de Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que je ne suis pas invitée à Noël dans ma famille. Mais en revanche, mon ex l'est. Ça doit être ça la magie de Noël. Alors un petit message d'Eric. L'année dernière, j'ai reçu mes cadeaux de Noël de la part de mes parents au mois de mars. Ils m'ont offert une boîte de masques chirurgicaux, un calendrier publicitaire 2023 donné par l'agence immobilière de leur quartier et un paquet de chips parce que c'est pas bon pour leur hypertension. Vraiment trop cool les parents. Joyeux Noël. Joyeux Noël sur Fadjet. Astrid, 6 ans. Pour moi, la magie de Noël, c'est quand tout commence à briller, quand on entend les chants de Noël, que le sapin est posé, que tout est décoré, que la famille se réunit et que nous sommes tous heureux. Maxime, 8 ans. La magie de Noël, c'est l'amour des familles, retrouver l'espoir d'être une meilleure personne et réaliser à quel point vous avez de la chance. Louise, 4 ans. Moi, j'aime bien Noël quand j'ai mon cadeau, mais les adultes font trop de bruit. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, well, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out in a storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me, oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Oh, let it snow, go boys, go. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm, But if you really hold me tightly, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Merry Christmas, everybody. God bless you. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Vous venez d'écouter Kim Wilde dans une belle reprise de Rockin' Around the Christmas Tree, puis Michael Bublé dans une reprise de l'incontournable Let It Snow. C'est la veillée de Noël, alors tout va bien. C'est sans doute l'un des moments les plus agréables de l'année, alors on en profite, cool, relax, sur Fadjet et avec toute la team du GSA. De Sylvie. L'année dernière, pour Noël, j'ai reçu un colis de mes parents contenant des bonbons, un chèque de 150 euros et un CD avec un petit mot. Tu donneras le chèque à ta sœur. J'ai hâte de recevoir leur cadeau de Noël cette année. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sa chanson et vous l'avez déjà forcément entendue. José Feliciano est un chanteur non-voyant américain né à Porto Rico et qui a créé une chanson qui est devenue un standard dans le monde entier et qui s'appelle Feliz Navidad. José, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti et c'est en live. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Everybody sing it with me. Ho, ho, ho! Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. Et maintenant une séquence blague avec Tao. Première petite devinette, comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un arc-en-ciel? Non. Un chapin de Noël. Maintenant la suivante. Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon? C'est trop de chemin. Non. Je vais encore me faire enguirlander. Eh oui. Bravo. Qu'est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras? Un mule-pattes. Non. Un monstre? Non, le Père Noël et ses rennes. Savez-vous pourquoi le Père Noël rit tout le temps? Pour pas avoir des rides. Bah non, c'est parce que c'est pas lui qui achète les cadeaux. Comment fait-on entrer deux Pères Noël dans un réfrigérateur? On les dégonfle. Bah non, c'est juste que c'est pas possible de faire entrer le Père Noël dans un réfrigérateur. Il n'existe qu'un seul Père Noël. Le papa de Jérôme lui demande ce qu'il a demandé au Père Noël. Jérôme lui répond... Je lui ai demandé qu'il vienne plus souvent. Et la dernière, pourquoi est-ce que le Père Noël porte des bretelles rouges? Pour qu'on le voit bien. Pour qu'on le reconnaisse. Ah non, juste pour porter son pantalon. C'est l'heure de retrouver maintenant une des plus belles voix américaines en la personne de Dolly Parton, qui a plus de 70 ans et qui continue toujours de chanter et de faire des albums. C'est la reine de la country music aux States et dans cette chanson, Mary Did You Know, elle rayonne encore plus. Belle et douce veillée de Noël sur Fadjet. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will come storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kissed your little baby, you've kissed the face of God. Thank you. would one day walk on water. Did you know? Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Alex, 4 ans. La magie de Noël pour moi, c'est les cadeaux, ma famille, la joie et bien jouer avec mes cousins. Joyeux Noël! Mélissa, 8 ans. Pour moi, la magie de Noël, c'est de passer du temps avec ma famille et mes amis. Gabi, 7 ans. La magie de Noël, c'est dans l'amour des familles qui font tout leur possible pour se retrouver et pour passer du temps ensemble et oublier les mauvais moments. Joyeux Noël à tous! Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. His holy name. Vous venez d'écouter la plus française du continent américain, Céline Dion, avec une reprise du célèbre All Holy Night, la version américaine de notre douce nuit en France, chanson emblématique de Noël. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Et maintenant, retrouvons Sting, non pas dans une chanson de Noël, mais dans une belle chanson humaniste comme il sait les faire. Noël nous dit que le meilleur est possible, et en nous tous, et que Noël est tolérance et amour. Alors écoutons-le dans Fragile. Sting revient en France pour quelques concerts en 2024. Pour beaucoup, ce sera sans doute son dernier spectacle d'adieu. Alors ne le ratez pas. Sting, ça. Blood will flow, flesh and steel are one, giant in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Meant to clinch our lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a straw. Like tears from a straw. And steel are one, giant in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in the mind will always stay. On and on the rain will fall like tears from a star. Like tears from a star. Ce jour-là, la neige, soudain, se met à tomber. Des milliers de flocons dansent dans le ciel. C'est la première fois que notre petit chat Oliver voit cela. Et, tout fou, il sort dans le jardin et court à droite, à gauche, et essaie d'attraper des flocons. Notre petit Oliver s'amuse tellement qu'il s'éloigne de la maison. Loin. Encore plus loin. Et le voilà dans les champs. Soudain, le chaton s'arrête, regarde autour de lui. Il comprend qu'il s'est perdu. Et comme il a froid. À la maison, Audrey et Elisabeth attendent inquiètes leur petit chat. « Allons les filles, » dit maman. « Il est l'heure d'aller au lit. Demain, c'est Noël. Je vous promets une belle surprise. » Et Audrey et Elisabeth, le cœur gros, grimpent dans leur lit. Pendant ce temps, le petit chaton Oliver cherche toujours son chemin. Il rencontre un oiseau. Il ne pense pas à l'attraper. L'oiseau est si heureux qu'il propose au chaton de lui montrer le chemin de la maison. Ouf ! La fenêtre de la véranda est restée ouverte. Vite, le petit chat rentre dans sa maison. Épuisé, il s'endort sous le sapin. Et c'est là qu'Audrey et Elisabeth le trouvent le matin de Noël. Jamais, jamais, elles n'ont eu un si beau cadeau de Noël. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre veillée de Noël. Alors autant terminer en beauté par un feu d'artifice de stars qui rend hommage à George Harrison, My Sweet Lord, live. Avec, excusez du peu, Billy Preston, Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr, Phil Collins, Danny Harrison, Ray Cooper, Tom Petty, Jeff Hain, Albert Lee et même les Monty Python. Are you ready, guys? So let's go! My sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord, my Lord, oh my Lord, I really wanna know you, I really wanna go with you, I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. My sweet Lord, hallelujah. Oh my Lord, hallelujah. My sweet Lord, hallelujah. I really wanna see you, I really wanna see you, I really wanna see you, Lord, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. Hallelujah, my sweet Lord. Hallelujah. joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Et voilà, notre veillée de Noël se termine. Nous remercions Sébastien et Océane, Tao, Alain, Françoise, Amine, Bertrand et aussi Yves à la technique et à la réalisation. La nuit de Noël se poursuit sur Fadjet. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous et en notre compagnie. Nous vous souhaitons une agréable nuit de Noël avec plein de jolis rêves. On poursuit la fête de Noël demain et encore tous ensemble dès 10h pour une émission spéciale sur les traditions de Noël dans les régions de France et de nombreux témoignages d'enfants, mais aussi beaucoup de chansons françaises autour de Noël. Et pour terminer, retrouvons Rod Stewart dans une reprise d'un chant traditionnel de Noël écossais dont vous reconnaîtrez tous l'air. Encore joyeux Noël à toutes et à tous. Belle et douce nuit de Noël. À demain, 10h. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot in the days of old lang syne? Far old lang syne, my dear, far old lang syne, we'll drink a cup of kindness, yeah, for the sake of old lang syne. And surely you thanks for coming out. Bless you.